Merci d'écouter La Première. Très bel après-midi. À l'écoute de nos programmes, voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Personne ne prétendait être un aventurier avant les alentours de 1900. C'était un personnage extrêmement mal vu. Cette semaine, récit d'ailleurs. Il faut dire une chose importante. C'est amusant d'être journaliste. Des voyageurs aux reporters. Ce film était un essai cinématographique. Et ce que je voulais faire, c'était faire un essai sur le journalisme. Une histoire en renouvellement. This is not a movie, le prochain documentaire d'histoire vivante, est, comme l'annonce le réalisateur du documentaire en question, je cite, « un film sur le Moyen-Orient réévaluant et recadrant une région, ses guerres et sa politique, à travers le journaliste iconoclaste et diviseur Robert Fisk, qui travaille au Moyen-Orient depuis plus de 40 ans. Au-delà de cela, ce film nous entraîne dans une enquête sur la signification du journalisme et sur la façon dont la compréhension de l'histoire peut modifier fondamentalement la façon dont nous interprétons notre monde moderne. Robert Fisk est adoré ou méprisé par ses collègues journalistes, critiques et lecteurs du monde entier. Selon le New York Times, Robert Fisk est le correspondant étranger le plus célèbre de Grande-Bretagne. Ses œuvres ont été traduites en 10 langues et vendues à plein d'un million d'exemplaires. Fin de citation. Les deux hommes, Robert Fisk et le réalisateur Yung Chang, étaient invités sur le plateau de l'université Arlington au Texas à se présenter et à présenter le documentaire. Nous prendrons connaissance de leur conversation grâce à la traduction assurée et réalisée par Étienne Duval. Please welcome Yung Chang and Robert Fisk. Bienvenue à Yung Chang et Robert Fisk. Yung, you've made films like Up the Yangtze and The Fruit Hunters. Yung, vous avez réalisé des films comme Up the Yangtze, The Fruit Hunters. En regardant votre filmographie, je ne me serais pas attendu à ce que vous fassiez un film sur un journaliste de guerre au Proche-Orient. Pouvez-vous expliquer comment ce sujet s'est présenté? Je ne sais jamais quel sera mon prochain projet. Je me laisse guider par ma curiosité. Il y a deux raisons qui m'ont poussé à faire ce projet. La première, c'est que je venais de travailler sur un documentaire sur les élections américaines de 2016, qui avait pour titre 18 novembre 2016. Et j'étais dans le Vermont pour filmer un socialiste de gauche, Boots Wardinsky, un personnage en dehors du système. It was around 9 p.m. Boots said, "Ah, this election's over." Vers 9h du soir, Boots dit « Cette élection est terminée, vous pouvez tout ranger ». Tout le monde est allé se coucher. Lorsque je me suis réveillé, j'ai découvert une flopée de messages de mon amie, qui est américaine. Elle était enceinte de 8 mois. Elle était désespérée. Je ne savais pas ce qui se passait. Pour beaucoup de gens, la victoire de Trump a été terrible. Pour moi, elle posait tout de suite cette question. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quelques temps plus tard, l'Office national du film du Canada m'a contacté en me soumettant l'idée d'un film sur Robert Fisk. Je connaissais son travail, j'avais suivi ce qu'il avait fait après le 11 septembre et je me suis dit que c'était un moment intéressant pour faire un film à ce sujet et qu'il fallait faire un film sur le journalisme. So Robert, people had come to you, asked to make a film about you. Did you have apprehensions about a film being made? Robert, ces gens sont venus vers vous pour faire un film sur vous. Vous avez eu des doutes, des appréhensions? No, I don't think I had apprehensions. Non. Je n'étais pas inquiet. J'ai déjà participé à d'autres films, par exemple pour Al Jazeera, parfois des films assez longs. Cela m'intéressait de rencontrer Yung, de le découvrir. Je savais qu'il ne connaissait pas bien la région. J'ai pensé qu'il serait très intéressant de voir ce que quelqu'un qui ne connaissait pas la région en pense. Je pensais que ce serait peut-être un avantage plutôt qu'un désavantage. La première fois qu'il est venu au Liban, il était évident qu'il s'était bien documenté. Il comprenait assez bien la situation. Ce qu'il y avait de bien, et ce n'est peut-être pas très gentil pour certains de vos collègues, c'est qu'il ne venait pas nous expliquer, à moi ou à ceux qui habitent le Liban, ce qui s'y passe. Il écoutait, et c'était bien de rencontrer quelqu'un qui pose des questions sérieuses. Moi, j'écoute tout le temps les gens. Je me suis dit, si son caméraman, Dured, se comporte comme lui, Dured est arabe, il est irakien, je me suis dit, Dieu merci, cela pourrait être très intéressant. Ce qui m'inquiétait plutôt, c'est que j'avais eu de très mauvais rapports avec le dernier réalisateur avec lequel j'ai travaillé. C'était quelqu'un de très bien, mais ça a été très difficile. Tu as écrit un article sur lui. Il était très dominateur, je crois que je n'aurais pas pu revivre ça. Mais après avoir dîné avec Jung à Beyrouth, je me suis dit, ce type-là est bien, ça va aller, ça va être amusant. Si on arrive à prendre du plaisir à le faire et à s'amuser, plutôt que d'essayer de créer une œuvre très philosophique, il m'a dit, nous voulons vous suivre dans votre travail sans nous immiscer. Je me suis dit, ça se présente bien. J'ajouterais que cela montre bien le caractère de Robert lorsque je suis venu te rencontrer la première fois. Tu vas dire quelque chose de bien ou de mal ? Non, je vais être juste. N'oublions pas qu'il a à son actif quelque chose d'énorme. C'est le seul journaliste occidental à avoir interviewé Oussama Ben Laden 3 fois. Et je sais, pour l'avoir vu sur Internet, le genre de milieu dans lequel tu évolues. Donc, j'avais un peu le trac. En fait, tu as un assez bon sens de l'humour. C'est assez amusant de passer du temps avec toi. Et je me suis dit, ça pourrait marcher. On pourrait passer 2 ans à faire un film ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je crois que gamin, j'étais fasciné par l'idée d'enregistrer des choses avec les yeux. Je me souviens très bien que mon père parlait sans cesse de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Dès l'enfance, j'ai baigné dans l'histoire du XXe siècle qui m'a vu naître, et c'est quelque chose qui ne m'a plus quitté. Je me rappelle que vers l'âge de 12 ans, j'ai vu Correspondant 17 d'Alfred Hitchcock. J'imagine que ce qu'il doit y avoir d'assez effrayant, c'est cette vaste tranche d'histoire que Robert a couverte, le nombre d'événements différents, la complexité de chacun des pays qu'il a couverts. Son livre « La grande guerre pour la civilisation » est très épais. Le prochain sera encore plus gros. Dans le film, il y a un moment où tu es dans une librairie, où tu dis que tu en es à la page 600 ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, tu en es à quelle page ? 1562. Very readable books, I have to say. Je dois dire que vos livres se lisent très bien. Donc, vous avez couvert de nombreux événements tragiques. Et le film montre des événements tragiques actuels. Une chose qui m'a frappé dans le film, c'est que vous dites « On ne peut pas parler de tragédie et faire une dépression nerveuse en même temps ». Vous voulez dire par là qu'il faut se protéger professionnellement, maintenir une certaine distance ? Mais j'aimerais aller un peu plus loin, parce que je pense qu'on ne choisit pas d'avoir une dépression nerveuse à un certain moment. Lorsqu'on est le témoin de tellement de morts, de tellement d'horreurs, comment pensez-vous avoir géré tout ça ? Je pense que couvrir les événements du Moyen-Orient, c'est un peu comme être historien. Sauf qu'on voit ça de ses propres yeux, on n'est pas là à consulter des archives. Mais je pense que vous n'avez pas tout à fait bien compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que certains journalistes que je connais, et très malheureusement l'un d'entre eux s'est suicidé il y a quelques années, certains journalistes ont été tellement bouleversés par ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été témoins, et ce confrère était quelqu'un de très fort. Je pense que si un journaliste ne supporte plus ça, alors il doit partir. On peut toujours se spécialiser dans la poésie ou devenir chef du service politique, mais il ne faut pas penser que c'est particulièrement viril d'être correspondant de guerre. Je dois l'admettre, et ce n'est peut-être pas une bonne chose, mais je ne suis pas quelqu'un de très émotif. Je suis souvent très en colère avec les gens qui sont responsables, et cela concerne des dirigeants politiques occidentaux tout autant que ceux du Moyen-Orient. Je ressens aussi beaucoup de colère quand j'entends des mensonges à propos du Moyen-Orient, des mensonges qui sont évidents, car je vois ce qui se passe. C'est la seule émotion que je m'autorise. J'ai ce privilège d'être un témoin de l'histoire, même si c'est aussi une malédiction. Mon travail n'est pas de pleurer les morts, mais de vous parler d'eux, et de vous parler de ceux qui portent peut-être la responsabilité de ces morts. Mais ça ne me donne pas de cauchemar. You don't have nightmares. Vous ne faites pas de cauchemars? No, I can go out to dinner after seeing something terrible because I'm a professional journalist. Non, je peux sortir dîner après avoir vu quelque chose de terrible parce que je suis un journaliste professionnel. Do you think you can decode anything more about your personality? Êtes-vous en mesure d'interpréter un peu plus votre personnalité pour expliquer comment vous vous protégez de ces cauchemars? Looking back and watching his film, actually, le fait de regarder son film m'a fait comprendre à quel point mon père a été important pour moi. Mon père était beaucoup plus âgé que ma mère. Il est né en 1899. Il a participé à la Première Guerre mondiale comme soldat. Il a combattu dans la Troisième Bataille de la Somme. Après la guerre, il voulait devenir militaire de carrière dans l'Empire britannique. Il voulait entrer au régiment des Gurkhas. À ce moment-là, il a reçu l'ordre de fusiller un soldat australien qui appartenait à un régiment britannique et qui avait tué un gendarme militaire à Paris, alors qu'il était sous. Mon père m'a dit qu'il avait refusé d'obéir à cet ordre, qu'il ne tirerait pas sur un soldat britannique. Notez que cet homme n'a pas été sauvé, il a tout de même été fusillé. Lorsque je repense à cet épisode, et ça j'en parle dans le film, je me dis, c'est la meilleure chose qu'il a faite de toute sa vie. Il a refusé l'ordre. Il n'a pas fait ce qu'on lui disait de faire, ou de dire, ou de rapporter, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça a été très important pour moi. Tu l'as montré dans le film d'une manière dont je ne m'étais pas rendu compte avant de le voir. Je voulais poser une question sur l'équilibre entre ce qu'il y a de personnel et ce qu'il y a de professionnel dans le film. Il y a un moment où Robert dit qu'il est marié avec une journaliste, mais c'est tout ce qu'on entend sur la question. Et je me demande ce que vous visiez et ce que Robert voulait laisser apparaître ou non. Oui, je peux parler de ça, et après tu pourras rajouter ce que tu veux. J'ai été en partie inspiré par un film sur Noam Chomsky, sorti il y a quelques années, Manufacturing Consent, de Peter Akbar et Peter Vintonik. Dans ce film, il y a un peu de contexte biographique sur Noam Chomsky. Mais pour être franc, ce n'était pas mon intention en faisant ce film. Ce film était un essai cinématographique. Et ce que je voulais faire, c'était faire un essai sur le journalisme. Et de voir le journalisme à travers le regard de quelqu'un comme Robert Fisk. Il a de l'expérience, il fait partie de cette génération perdue de reporters qui évolue dans un nouveau monde médiatique. Écoutons-le. Nous pouvons critiquer, nous pouvons écouter, nous pouvons examiner ce que Robert pense du journalisme. C'était ça l'intention du film. Il ne s'agissait pas de s'attarder sur la vie privée de Robert. À propos, je peux vous le dire en toute franchise, si je peux me permettre, qu'elle est assez ennuyeuse. Tu lis des livres. Je vais à des concerts. Je fume des cigares de temps en temps. C'est vrai. On a fait cette séquence sur le balcon de son appartement le long de la corniche à Beyrouth. Souvent, tu aimes t'y allonger pour lire un livre. C'est amusant à filmer pendant quelques minutes, et après un moment, ça devient ennuyeux. Alors là, t'es sympa, merci. Mais évidemment, en tant que journaliste, tu es obligé de protéger ta vie privée. It isn't just that when I'm working as a reporter in the Middle East, even back in Belgium. Belfast. Il n'y a pas que ça. Quand je travaille comme reporter au Moyen-Orient, et c'était vrai aussi à Belfast, il m'arrive de demander à une personne si elle est mariée ou si elle a des enfants. Mais j'ai toujours pensé que leur vie privée leur appartenait. Ce n'est pas mon rôle d'envahir leur vie privée comme si j'étais dans un tank, de l'utiliser. Si on s'intéresse au travail d'un journaliste, on s'intéresse à son travail. Dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais posé de questions sur la vie privée des gens et je ne les autorise pas à le faire non plus. J'aimerais ajouter que nous avons un plan de toi en pyjama. C'est vrai? Oui, et c'était difficile. Je l'ai fait et ça marche. Ne m'en veux pas trop. Retrouvons Robert Fisk et le réalisateur Yung Chang sur le plateau de l'université Arlington au Texas pour un moment d'échange et de réflexion que nous pouvons vous donner à découvrir en français grâce à la traduction assurée et réalisée par Étienne Duval. Myung, vous avez évoqué l'un des thèmes du film, les changements que subissent actuellement le journalisme. On a vu, particulièrement au Proche-Orient, la montée d'un journalisme citoyen. Par exemple, dans un conflit comme celui de la Syrie, les Syriens eux-mêmes, lorsqu'il n'y a pas de journalistes sur place, filment avec leur téléphone, puis mettent les vidéos en ligne. Robert, dans le film, vous parliez de ce changement dans la façon dont nous recevons nos informations. Personnellement, j'essaie souvent de voir le côté positif de ce phénomène, le fait que nous recevions des vidéos directement du cœur du conflit, en me disant que c'est bien d'avoir cela dans les situations dont aucun journaliste n'a pu être témoin. Mais j'ai le sentiment que dans le film, vous aviez d'autres inquiétudes à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pense que du point de vue technologique, c'est fascinant. Si nous avions eu des images filmées au téléphone de Sabra et Shatila en 1982, nous en saurions beaucoup plus sur cet événement. Nous aurions vu les morts avant qu'ils ne soient tués. J'aime la technologie. Ce qui m'inquiète, c'est quand un journaliste accepte un flot continu d'images sans trop de précautions, en notant simplement qu'on ne peut totalement garantir leur authenticité. Ces images sont, il est vrai, très pénibles, et il faut qu'elles le soient. Mais quand ce journaliste n'essaye pas d'aller voir ce qu'il y a derrière, de se demander « qu'est-ce qu'on nous a montré ?», alors il y a un problème. J'aime l'expression « journaliste citoyen ». J'aimerais en être moi-même. Mais parce que nous ne sommes pas sur place, par exemple en Syrie, les journalistes ne veulent pas se faire couper la tête, je me pose des questions. Je pense que la plupart de ces séquences sont véridiques. Pas toutes, mais la plupart. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais des hommes en armes ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce que vous pensez que personne ne tire sur les Syriens et sur les Russes ? Bien sûr, il y a des gens qui leur tirent dessus. Des gens d'Al-Nusra, de Daesh et d'autres groupes. Cela s'est produit dans les quartiers est d'Alep. Il y a quelque temps, j'ai fait un bref séjour à Varsovie. Je suis allé au musée du soulèvement de Varsovie. Pas celui du ghetto, celui du soulèvement. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait des images filmées, authentiques, tournées à l'époque, qui montraient des morts d'enfants et des attaques sur des hôpitaux. Mais on voyait aussi de très courageux combattants polonais. Ils nous regardaient dans les yeux. Ils montraient l'écusson de leur pays. Évidemment, le film était en noir et blanc, mais on reconnaissait le drapeau polonais. On voyait des femmes et des enfants qui participaient à la résistance contre les SS, les nazis. Quelqu'un à côté de moi m'a fait la remarque. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans les images qui nous parviennent du Moyen-Orient? Où sont les combattants? C'est à ce moment que m'est venue une pensée inquiétante. il y a sans doute une sorte d'accord entre les groupes armés, une entente qui fait que l'image qui est présentée, tout en étant authentique, ne va pas montrer les groupes armés, parce que si c'était le cas, on verrait des hommes armés dans les rues. Tout cela n'excuse en rien ni les Russes, ni les Syriens, ni Assad. Mais l'évolution vers cette forme de journalisme très technologique est très inquiétante. Le fait d'aller à Varsovie et de voir ces images très fortes, je vous encourage à aller les voir, m'a fait prendre conscience tout d'un coup qu'il y avait quelque chose d'important qui manquait dans notre couverture de la Syrie. Pour moi, il y a aussi une autre question. Robert est correspondant à l'étranger. Le rôle d'un correspondant est d'interpréter d'une certaine manière, de traduire ce dont il est témoin sur place. Tout d'abord, il faut y aller, si possible. Exactement, en tant que transmetteur de la vérité. Mets toujours des guillemets au mot « vérité » lorsque tu parles de la presse. D'accord, donc la vérité. Il est chargé de transmettre la vérité, et quelqu'un comme lui doit nous aider à comprendre ce qui se passe. Pour moi, c'est ça le rôle d'un correspondant à l'étranger. Moi, en tant que personne qui ouvre le journal ou qui clique en ligne, j'essaie de mieux comprendre ce qui se passe. Je ne peux pas simplement regarder une vidéo. Oui, je vois les atrocités qu'on montre dans certaines de ces vidéos, mais je ne sais pas ce qui se passe. On voit par exemple une séquence dans le film sur l'attaque chimique contre Douma en avril 2018. Il me semble que c'était très important pour comprendre comment on interprète l'information. On ne m'a pas appris à déchiffrer les médias dans ma jeunesse. Ce n'est pas comme ça qu'on a été élevé. Nous, on lisait juste les journaux. Maintenant, c'est complètement différent. Un réalisateur que vous avez interviewé récemment, Alan Berliner, a évoqué des thèmes semblables, notamment comment réagir face aux fake news. Et c'est ce qui m'a poussé à traiter de ça à travers ton expérience, Robert. Je n'ai jamais utilisé l'expression « fake news ». Vous venez de le faire. C'est une invention de la Maison Blanche, les fake news, la vérité, tout ça avec des guillemets. J'en parlais il y a quelques mois avec Brent Sadler, un ancien reporter de CNN à Beyrouth. Il m'a posé cette question. Avant, comment est-ce qu'on appelait les fake news, une information qui était fausse? Nous sommes tombés d'accord, on appelait ça des informations inventées. C'est très intéressant. Les fake news, il me semble que c'est une invention de la Maison Blanche. Des informations inventées, on savait tous ce que ça voulait dire. On vous dit qu'il y a plus de tirs, plus de morts, etc., qu'il n'y en a réellement. Je pense qu'à cause des médias sociaux, à cause de la technologie numérique et à cause du comportement obséquieux des journalistes, lorsqu'ils sont confrontés à des présidents puissants, au Brésil, aux États-Unis, cela concerne même dans une certaine mesure le Premier ministre britannique, qui, comme M. Trump, devrait être dans une institution pour malades mentaux. Enfin, ce n'est pas la question. Le fait est que parce qu'ils acceptent cela, il y a désormais une nouvelle version de l'information, une version à laquelle je suis de plus en plus confronté. Je vais vous donner un exemple typique. J'ai reçu un appel d'une radio. Le type posait toutes sortes de questions et il était évident qu'elle s'appuyait sur des informations données par le département d'État. Ces informations, qui citaient des sources officielles, avaient été publiées par le New York Times, le Washington Post. Bref, c'était l'actualité. Au fur et à mesure, j'étais obligé de déconstruire ces questions, de lui dire « Peut-être qu'il faudrait plutôt poser la question comme ça si vous voulez parler de ce qui se passe sur le terrain, parce que le monde qu'il évoquait ne correspondait pas à celui que je voyais sur place. On était censé parler de l'endroit où je me trouvais. » Ça, c'est un nouveau phénomène. C'est à cause des médias sociaux, de la technologie numérique, d'Internet, du journalisme citoyen, appelez ça comme vous voulez. Et c'est très difficile. Non seulement on essaye de faire son propre travail, qui est parfois dangereux, mais en plus on se bat contre cet énorme rideau qui vous enveloppe et qui cache les faits qu'on est censé rapporter. J'ai noté une autre citation dans le film, et corrigez-moi si je l'ai sortie de son contexte. Vous évoquez le travail journalistique et vous dites que dans l'ensemble, cela ne fait aucune différence. Dans ce que publie le journal, des révélations embarrassantes n'ont pas d'impact sur les gouvernements. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, ça ne fera pas ouvrir les portes des prisons. Mais il doit tout de même y avoir des moments où vos articles ont eu un léger impact, ou même un gros impact. Il y a bien un cas, mais il remonte à au moins 20 ans. J'avais pu prouver, grâce à des images vidéo, qu'un drone israélien avait filmé un massacre. Il est possible que ce reportage ait changé le résultat des élections israéliennes qui ont suivi. C'est un premier ministre plus à droite qui a été élu, donc ce n'était pas une grande victoire pour moi. Il y a un moment où ton film montre très bien ce problème. C'est l'exemple même de ce que peut faire un bon réalisateur. J'avais trouvé des documents dans la cave d'un bâtiment bombardé à Alep. Ce bâtiment avait été occupé par le groupe Nusra, qui appartient à Al-Qaïda. Aux yeux de l'Occident, c'était évidemment des terroristes. C'est aussi ce que pensent beaucoup de gens. Ces documents avaient été laissés là par hasard. Ils concernaient un chargement de mortiers qui était parti de Bosnie. Le chargement n'avait pas été envoyé directement de Bosnie à Alep. Il devait y avoir des intermédiaires qui les avaient envoyés au groupe islamiste. Ces documents montraient le nom du type qui, en Bosnie centrale, avait autorisé l'envoi du chargement. Je récapitule pour les gens qui ne s'y retrouveraient pas avec tous ces noms. Il s'agit de suivre un chargement d'armes. La question de savoir qui fournit des armes pour tuer des gens me fascine. Donc, nous partons en Bosnie. Nous étions avec lui. C'était incroyable. Cela ne nous a pas empêchés de retrouver l'homme. Et Dured et Young avançaient tout doucement derrière moi, et on voit l'homme dire, tout en sachant que les caméras étaient là, « Oui, c'est ma signature. » C'est aux Saoudiens qu'on a expédié ce chargement. Je me suis dit, « Ça y est. » On tient notre info. Ce qu'il y a de très bien dans le film, c'est qu'on voit comment des armes parviennent au Moyen-Orient, grâce à des intermédiaires. Les Saoudiens le demandent, bien entendu. Je me suis dit, l'OTAN va sûrement s'intéresser à ça. L'OTAN n'a rien dit. Les Saoudiens vont être obligés de reconnaître les faits, puisque nous avons les documents. Ils ont nié leur authenticité. Tout cela n'a eu aucune conséquence. J'étais voir un officier de l'OTAN en privé et je lui ai dit « Vous devez faire quelque chose, c'est telle usine qui a effectué la livraison. » Et en privé, il m'a répondu « Oui, nous sommes au courant. » C'est ce que j'essaye de vous dire, c'était une information exclusive. Ce que vous voyez à l'écran, c'est mon travail pour le journal Independent. Je ne travaillais pas pour Young. On voit tout ça dans le film, tout. Et ça n'a pas fait la moindre différence. Voilà ce que j'ai à dire. Vous avez passé des décennies à y mettre tout votre travail, votre cœur, votre intelligence. Et vous pensez que cela ne fait aucune différence. Comment est-ce que vous réconciliez ces deux choses ? J'ai vu le film pour la première fois il y a une semaine à Beyrouth. Évidemment, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pense de ce film ? Je ne sais pas ce qu'il en pense. My first reaction was, God, how irritating Bob Fisk is. He waffles on and on and on, you know. Ma première réaction, ça a été de me dire, « Mon Dieu, ce Bob Fisk est vraiment agaçant. Il n'arrête pas de parler. » Mais j'ai aussi pris conscience à quel point le travail que je fais est formidable. J'ai vu l'enthousiasme que j'avais déjà il y a toutes ces années quand j'étais à Belfast. Je ne savais pas que ton film allait montrer ça. Et on me voit dire et penser les mêmes choses il y a 30 ans. Et je me suis dit, « J'ai vraiment de la chance de faire ce travail. » C'est ça que dit le film. Nous retrouverons demain, pour la suite de cet entretien, le journaliste Robert Fisk et le réalisateur à ses côtés, Yong Chang, évoquant le documentaire que vous pouvez découvrir depuis lundi sur le site des docs de la RTS ou encore dimanche soir sur RTS2. Thank you.